pronostiqué 0-0 pour le match d'ouverture entre la Russie et c'était quoi les Émirats ? Arabie Saoudite. Voilà. Non, j'avais pris un peu d'avance, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de matchs nuls par la suite, des favoris. Hein. Bien. Alors, il fera un autre pronostic complètement faux dans quelques instants. Mais là, nous démarrons. Voici les missions du jour. Il est 9h30. Vous avez choisi RTL. Saïd était avec nous. J'ai fait appel à une entreprise pour changer les 10 fenêtres de ma maison. J'ai payé 7 200 €. Plusieurs fenêtres sont pas étanches. Les finitions laissent à désirer. J'ai même une fenêtre dont le châssis est cassé. Dans quelques instants, nous serons en duplex avec Saïd, avec Hervé Pouchol, mais également, je crois, avec le responsable, car tout le monde veut tenter de trouver un accord en direct, et ça, c'est une bonne nouvelle. Nous aurons Siméon qui va nous parler de son problème. Je vous appelle de l'Eure-et-Loire, où je me bats avec l'administration, à qui j'ai payé 1 388 € en trop. Cela fait presque 2 ans que j'attends que l'on me rembourse. Et puis, il y aura Stéphanie qui nous parlera d'une véranda. Je vous appelle du Doubs, j'ai une véranda. Dès qu'il pleut, je dois poser des bassines pour éviter que mon salon soit inondé. L'entreprise a promis de revenir, j'attends toujours. Pour régler ces problèmes, la Dream Team est au rendez-vous de ce lundi 18 juin, puisqu'il y a à mes côtés Maître Felono, votre avocat. Bonjour à tous. C'est Bernard Sabat qui négocie aujourd'hui. Bonjour à tous. Hervé Pouchol est en duplex. Et bonjour à tous. Bonjour Hervé, Charlotte au standard. Bonjour Julien. Vous écoutez le 9h30, 11h, l'émission la plus écoutée de France sur RTL. Grâce à vous, merci de votre fidélité. Nous allons vous aider. Pour nous joindre, le 3210. Pour nous joindre, le Facebook, la page, ça peut vous arriver. Si tu t'es fait arnaquer, pas la peine de paniquer. Faut appeler Julien Courbet. Et bien sûr, un coucou à tous ceux qui passent le bac. J'en ai deux, moi, qui passent le bac ce matin. Un, le bac français, je crois, 14h, et une qui passe le bac philo. Je pense que ce soir, on va manger de la viande, ça va être de la boucherie. On verra ça tout à l'heure. Je leur souhaite bonne chance, mais là, on panique un peu avec leur mère en se demandant quelle tête elle va faire quand elle va voir son sujet. L'amitié est-elle... Mon père, il me raconte pas ça, moi, quand on est à la maison. Il fait des grimaces et il raconte des blagues. Bon, nous allons donc démarrer avec le cas de Saïd. Saïd est sur place avec Hervé Pouchol. Hervé, m'entendez-vous ? Je vous entends, mon cher Julien. Nous sommes actuellement dans le magasin, justement, où s'est déplacé Saïd. Il y a également le gérant qui a eu la gentillesse de nous recevoir. Je peux vous assurer quand même que le dialogue est un petit peu tendu, mais je pense que nous allons arriver à de belles solutions. Pouvez-vous me passer le gérant, déjà, que l'on voit si l'on est d'accord sur les problèmes de Saïd ? Bonjour, alors, monsieur. C'est le commercial, monsieur Alaoui. Bonjour, monsieur Alaoui. Bonjour monsieur. Merci beaucoup déjà de nous parler, ça prouve que vous êtes en totale transparence et ça c'est bien, il y en a beaucoup qui ne le font pas monsieur, donc ça c'est vraiment un bon point. Je vous explique ce que nous dit Saïd et vous me dites il se trompe ou il ne se trompe pas. Il décide de changer 10 fenêtres, il appelle une entreprise la vôtre qui évalue le montant des travaux à 7 200 €. Les finitions, nous dit-il, laissent à désirer sur de nombreuses fenêtres avec un problème d'étanchéité sur plusieurs d'entre elles et un châssis cassé sur une autre. Est-ce que vous confirmez cela, monsieur ? Alors, pour le châssis cassé, effectivement, je confirme parce que je l'ai moi-même notifié sur le PV de fin de chantier. Et on l'avait recommandé à l'époque, malheureusement, avec les fêtes de fin d'année, les crédits d'impôt, ça a mis un peu plus de temps que prévu. Pour le reste, en termes de défaut d'étanchéité, excusez-moi, moi j'ai un PV de fin de chantier signé par M. Boubecker, en date de la pause, qui signale donc châssis, donc en termes de réserve je parle, hein, châssis, salle de bain, cassé à changer. C'est-à-dire qu'il y a le bâti effectivement de la flotte qui est fissurée sur 7 cm, c'est la seule chose qui a été stipulée. Le document il est là, il a été signé deux fois par M. Boubecker, en l'occurrence à l'époque, et personne n'a trouvé à redire. Alors, nous allons, et ça c'est un point important que vous soulevez, donc nous allons, s'il vous plaît Hervé, nous tourner vers Saïd. Saïd, est-ce qu'effectivement, vous avez accepté cette remise des clés, entre guillemets, cette fin de travaux, donc on en reste sur ce que vous avez signé ? Oui. Oui, moi j'ai... Non Saïd, on vous entend pas Saïd, il faut changer de téléphone. Hervé, pouvez-vous lui passer le vôtre ou faire... Oui, je disais... J'ai signé le papier pour le sous-traitant. Oui. Comme quoi les fenêtres étaient bien. Mais le problème, c'est les finitions. Oui, mais est-ce que vous l'avez marqué, les finitions ? Oui, non, les finitions n'ont pas été bien faites du tout. D'accord. Saïd, Encore moi, une fois. Je n'ai pas regardé, j'ai fait confiance. Ah oui, mais là, Saïd, le problème, je vais me tourner vers Maître Félonon. Je comprends ce que vous me dites, mais je ne peux pas. Il y a, à un moment donné, une feuille à remplir en fin de travaux qui consiste donc, à dire. Saïd, on arrive au point là. S'il vous plaît, soyez gentil, laissez-moi finir. J'explique aux auditeurs que cette feuille est primordiale. Si vous ne marquez pas, je ne suis pas content des finitions parce que vous n'avez pas regardé, c'est compliqué après d'aller dire les finitions. Alors, Maître Félonon. Alors, effectivement, il vaut mieux avoir la bonne réaction immédiatement le jour de la réception. Pour pouvoir marquer toutes les réserves sur ce document, effectivement. Mais il n'empêche, Julia, que l'on peut se tromper et que l'on a le droit de rectifier son erreur. On peut s'apercevoir des défauts d'étanchéité à l'usage quand il pleut. Et là, on a un procès-verbal. Huissier. Donc ça vaut. Monsieur Alaoui, soit il ment et la fenêtre est parfaite, soit vous allez sur place et vous constatez effectivement qu'il y a un défaut, puis on n'en parle plus. Voilà. C'est exactement ce qu'on aurait voulu faire depuis 3 mois, parce que monsieur Boudecker a reçu un courrier de notre part en date du 28 mars. Lui demandant de nous rappeler parce qu'on n'arrivait pas à le joindre pour pouvoir intervenir et finir ce qu'on avait à faire, sachant que ce monsieur bénéficie d'une garantie de 15 ans qui n'a strictement rien à voir avec votre émission ou votre intervention à vous et que même éventuellement dans 2 ans, si ce monsieur a des soucis, on sera toujours tenu d'intervenir. Bon, alors... Ce monsieur s'est déplacé à plusieurs fois à mon agence, je l'ai toujours reçu, n'est-ce pas, M. Boubecker ? On a discuté plusieurs fois, je lui ai dit effectivement qu'il y avait un peu de retard parce que les fêtes de fin d'année étaient intervenues. On avait eu, on va dire, un surmenage en termes de travail par rapport notamment au crédit d'impôt qui s'arrêtait. Et je lui ai dit d'être patient. Le châssis est arrivé chez nous au mois de février dernier. Pas de son, pas de nouvelles depuis. On a essayé de l'appeler à plusieurs reprises. Mon assistante, l'assistante de mon patron a essayé de l'appeler. Monsieur, demandons à Saïd, monsieur. Ne perdons pas de temps. Saïd, est-ce qu'il est vrai qu'ils vous ont appelé, cherché à réparer, que vous n'avez pas répondu ? Pas du tout, monsieur. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qui est faux dans ce que dit ce monsieur ? Si on veut contacter quelqu'un, on envoie une lettre commandée, accusé de réception, vous avez une preuve à l'appui. Là, vous n'avez rien. Est-ce que vous avez envoyé un mail ou une lettre, monsieur ? J'ai envoyé une lettre, effectivement, on a fait envoyer une lettre, elle est ici, sous mes yeux, voilà. Nous revenons. Oui, monsieur, on n'était pas en conflit avec monsieur Boubecker, non. Écoutez-moi. Monsieur habite à 800 mètres de mon agence. Hein. Oui, il aurait pu venir. Pas quand il en avait besoin. Monsieur Alaoui, il aurait pu venir tranquillement. J'ai compris qu'il y avait un... Voilà, vous n'êtes pas contents les uns les autres. Aujourd'hui, est-ce qu'on essaie de sortir de ça la tête haute en se disant chacun va mettre un peu d'eau dans son vin et on va montrer à tout le monde qu'on peut trouver un accord en discutant ? On essaie de faire ça ? Vous êtes exactement des pros, il est sympa. Exactement, on essaie de faire depuis 4 mois. Bon, et bien là justement, essayons d'oublier ce qui s'est passé pendant 4 mois. Hervé est là, trouvons la bonne solution. Bernard Sabat. Juste un point, je rappelle que Saïd a envoyé une lettre, justement à Mick à peine, une lettre recommandée à accusé de réception le 21 février. Oui. Et par contre, il n'a jamais eu de réponse ni de reçu. Monsieur Alaoui, est-ce que vous avez eu une réponse à cette lettre ? Alors, je vous explique. Moi, je suis effectivement le responsable de cette agence. Oui. Par contre, tout ce qui est partie administrative et courrier arrive dans le sud de la France. Bah oui, mais ça, il y est pour rien, lui, Saïd. Alors, je conclue. Apparemment, c'est ce que me dit mon patron et je veux bien le croire, ce courrier n'a pas été réceptionné effectivement parce qu'il a un souci au niveau de la poste et qu'il y a eu 2-3 courriers qui sont passés à la trappe. Quel est le souci, Maître Félonon ? Attendez, quel monsieur, est le souci ? Attendez, excusez-moi. Je comprends l'organisation interne de votre société, mais quand vous recevez une lettre, encore faut-il aller la chercher parce que moi j'ai un accusé de réception disant pli avisé et non réclamé. Bon, alors, on va essayer maintenant, monsieur Alaoui, de trouver une solution. Vous avez donné vos arguments, mais au bout du compte, le châssis, vous ne l'aviez pas à cause des crédits d'impôt parce que vous étiez débordé. Vous n'avez pas été chercher une lettre recommandée. Et vous-même, vous n'avez jamais envoyé une lettre recommandée au client. Vous n'avez que des appels téléphoniques ni des mails. Donc, vous n'avez rien dans votre dossier. J'ai un courrier, monsieur. Non, pas recommandé, ça ne veut rien dire. Le courrier, si, voilà, la seule chose qui compte... Vous savez, monsieur, n'étant pas en conflit avec monsieur Boubecker, juste aujourd'hui... Oui, mais monsieur, je ne vous en veux pas d'envoyer un courrier. Je vous dis juste que devant la justice, ça ne vaut rien dire, puisqu'un courrier, ça se perd. La seule chose qui compte, c'est un courrier recommandé. Vous êtes professionnel, vous devriez le savoir, monsieur. Donc, aujourd'hui, trouvons une solution, ne remettons pas de l'huile sur le feu, et puis on n'en parle plus, on passe à autre chose. Allez-y. On regarde les matchs de l'équipe de France, tranquillement, sans s'embêter avec ses problèmes de fenêtres. Allez-y, c'est à 800 mètres, c'est pas loin. Allez. Au lieu de discuter sur place, allez discuter voir chez lui. Pourquoi vous n'allez pas voir ses fenêtres à 800 mètres ? Allô ? On fait ça, Hervé ? Bah écoutez, on peut effectivement aller chez monsieur Boubecker. Hein. Allez, c'est parti, comme ça vous prenez des photos, vous regardez objectivement au monde. Je vous retrouve dans quelques instants et vous nous dites ce qu'il en est. Le cas numéro 2 va arriver dans quelques instants. C'est le cas de Siméon. Siméon, eh bien, il a un problème avec l'administration. Ça fait 2 ans qu'il attend d'être payé 2300 euros. Mais une règle d'or, parce que c'est lettre recommandée, vous ne pouvez plus tomber dans ce panneau. Là, bravo d'ailleurs à Saïd qui en a envoyé une. Mais un commerçant, on s'adresse aux commerçants mais aussi aux particuliers. La règle d'or sur RTL. J'ai téléphoné, j'ai envoyé un mail. Non, j'ai envoyé un mail, oui, parce qu'il y a une trace. Un texto, il y a une trace. Mais j'ai téléphoné ou j'ai envoyé une lettre simple, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas parce qu'il faut vraiment prouver. Imaginez qu'on peut se retrouver devant un tribunal et il faut toujours ramener la preuve de ce que l'on affirme. Et donc, un courrier, quand on veut qu'il fasse date et qu'il soit vraiment important et reconnu par tous, il faut qu'il soit en recommandé avec accusé de réception. Julien Courbet va dans quelques instants traiter un autre cas. Mais d'abord, Julien Courbet va passer à la publicité. Julien Courbet est un homme très écouté. À chaque fois, je ne sais pas pourquoi, j'ai Paul Pogba dans la tête. Allez, à tout de suite. Alerte Coyote. 90 km/h, 80 km/h. Le changement de vitesse, c'est maintenant. Roulez toujours à la bonne vitesse avec Coyote. En ce moment, 80 € offerts sur nos boîtiers. Oui, 80 €. N'hésitez plus. Coyote, roulez en sécurité et gardez vos points. Valable en France métropolitaine, conditions sur moncoyote.com. Leclerc. Dites donc, Philippe, on prépare l'été, à ce que je vois. Ah, ça, oui, de la 1664 en pack de 24 bouteilles avec 30% de remise immédiate en ce moment chez Leclerc. De la 1664 en promo ? Eh oui. Du 12 au 23 juin chez Leclerc, le pack de 24 bières 1664 de 25 centilitres avec 30% de réduction immédiate est à 7,91 €, soit 1,32 € le litre. Voir modalités et magasins participants sur www.1.leclerc. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Et 30% sur de la 1664, ça en fait des économies. C'est pas faux. Dites définitivement stop au calcaire en découvrant les plaisirs de l'eau adoucie Culligan. Grâce à l'adoucisseur Culligan, votre peau et vos cheveux sont doux, votre salle de bain est impeccable, vos appareils électroménagers sont protégés du calcaire. Et pour profiter du meilleur de l'eau, Culligan vous offre 250 € sur votre adoucisseur jusqu'au 20 juin. Conditions sur culligan.fr. Avec le service après-vente Peugeot, entretenez l'émotion. Ralentir, freiner, vous arrêter. À chaque déplacement, le système de freinage de votre Peugeot est constamment sollicité. Son efficacité repose sur son état irréprochable. Alors, pour rester maître de votre véhicule à chaque instant, venez faire vérifier vos freins par les experts Peugeot. En ce moment, chez Peugeot, bénéficiez de 25% de remise sur les disques et plaquettes de frein. Prenez rendez-vous sur Peugeot.fr. Voir conditions en ligne. Waouh Sylvie, c'est toi ? Mais t'as vachement minci. Bah, tu sais, ça fait 2 ans que j'ai perdu 15 kilos avec ComJem. Et t'as rien repris ? Bah non, grâce à ComJem, j'ai minci et j'ai surtout repris de bonnes habitudes alimentaires. Avec ComJem, dites adieu à l'effet yo-yo. Perdez du poids durablement en prenant de bonnes habitudes alimentaires. Essayez une semaine, c'est gratuit. Appelez le 0800 507 507, 0800 507 507, ou rendez-vous sur comjem.fr. comjem.fr. Conditions de l'offre par téléphone, service et appel gratuit. Écoutez, vous sentez la différence entre un plan de travail stratifié et un quartz? L'aspect minéral, la pureté du quartz et sa résistance. Chez Mobalpa, du 7 au 30 juin, ils sont au même prix pour rendre votre cuisine unique, comme vous. Voir conditions en magasin. Mobalpa, unique, comme vous. Retrouvez les magasins Mobalpa sur mobalpa.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Sur RTL. Apparemment, les sujets de philo viennent de tomber. 9h42, Céline, allez-y. Alors, j'ai 2 sujets à vous soumettre. Le premier, le désir est-il la marque de notre imperfection ? Waouh ! Wow. C'est pour Hervé Pouchol, ça, Julien. Bon, et le désir est-il la marque de notre imperfection ? Et le deuxième sujet, peut-on renoncer à la vérité ? Ah oui, ça c'est mieux. J'aurais été mieux sur le deuxième qu'au premier. Je sais pas pourquoi, moi le premier je trouve pas mal. Hein. Ah oui, le qu'est-ce que vous diriez sur le désir ? Alors allez-y. Ben, quand il en faut, c'est le sel de la vie. Il faut avoir envie d'avoir envie tout le temps. Ah bon, très bien. Voilà. Écoutez, vous auriez eu un bon 3 avec ça, je pense. Et nous allons nous écouter. Mais je suis pleine de défauts, c'est pour ça. Supertramp, Dreamer. Standard de 1974. Merci d'avoir choisi RTL. Attention, la suite de la négociation après ceci. Sur RTL, 9h46, nous revenons sur le premier cas, Céline. C'est le cas de Saïd. Il nous a appelé parce qu'il a payé, plus de 7200 euros pour la pose de 10 fenêtres, mais le résultat n'est pas vraiment au top. Nous avons organisé un duplex. Hervé Pouchol est sur place pour trouver un accord entre le professionnel et Saïd. Il était question, peut-être, comme il habite à 900 mètres, d'aller voir les fenêtres de Saïd et de se déplacer. Est-ce que c'est le cas, Hervé Pouchol ? Bah écoutez, nous venons d'arriver sur place, bon, c'est pas à 800 mètres, hein, c'est un peu plus, hein, parce que c'est un véritable zigzag pour arriver. Là, je suis avec Saïd, à l'intérieur de sa maison, et là, il commence à y avoir une discussion avec le professionnel. Visiblement, on n'est pas tout à fait d'accord. Hein. Oui, c'est au niveau des finitions. Sinon, au niveau des fenêtres par elles-mêmes, elles sont très bien. Mais la finition, ça laisse à désirer. Bon, il faut que ce monsieur regarde Hervé et nous donne son point de vue pour qu'on arrive à trouver une solution, d'accord ? On va le laisser regarder, on va se retrouver dans une seconde. Oui Bernard ? Je vous rappelle quand même qu'il y a un poseur qui est intervenu, qui est un sous-traitant de cette marque en question. Et j'avais parlé donc avec le franchiseur qui a dit « Je sais qu'il y a eu une faute, c'est pour ça qu'on a recommandé quelque chose. » Voilà où on en est. S'il le faut, on appellera le poseur pour qu'il nous donne son avis. On passera au cas numéro 2 dans une seconde. On parlera des impôts de Siméon. Et oui, parce qu'il a payé trop d'impôts, plus de 1300 euros. Il attend depuis 2 ans d'être remboursé. Eh bien, nous allons appeler nos amis des impôts, ce qui nous laissera très vite organiser notre prochain contrôle fiscal dans les 15 jours qui suivent. Mais ce n'est pas grave, on prend ça avec le sourire. A tout de suite sur RTL. Et si on parlait de Renault Pro Plus avec Arnaud Plâtrier. Quand vous dites tout inclus pour mon master, ça inclut vraiment tout ? Oui, EasyLock Pro Plus est une location longue durée qui inclut un véhicule de remplacement, l'entretien, même le changement des plaquettes et des pneus. Et vous dites aussi tout équipé ? Tout à fait. Nous avons plus de 800 masters grand confort disponibles tout de suite. Tout inclus, tout équipé et tout de suite. Ça, c'est pro. Dans la limite des stocks disponibles, voire conditions en concession ou sur Renault.fr. Passons au retrait à l'avant-centre qui tire et c'est le but ! Ça, c'est ce qui se passe dans la tête d'Alex quand il comprend enfin la règle d'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Quel que soit le niveau ou la matière, Acadomia propose des cours particuliers, des cours en petits groupes et des stages de vacances. Bénéficiez d'une recommandation personnalisée pour votre enfant. Appelez-nous ou renseignez-vous sur acadomia.fr. Acadomia. Comprendre, ça s'apprend. Avec Laurent Deutsch, découvrez l'histoire d'un produit fabriqué par une entreprise locale et sélectionné par les magasins U des Cévennes. À Moissac, vallée française, en Lozère, la fromagerie des Cévennes s'est spécialisée dans le lait de chèvre avec un produit phare, le Pélardon, délice des Cévennes. S'il est si délicieux, c'est parce que les chèvres pâturent en pleine nature, au moins 210 jours par an. Et en 210 jours, les saisons passent, les plantes changent. Du coup, l'alimentation des chèvres varie et le goût du Pélardon aussi. Commerçant autrement. Pour votre santé, évitez de grignoter. Pour EOVI MCD Mutuelle, je ne suis pas une senior, je suis Patricia. Moi, la retraite, je la vois comme une nouvelle vie, l'occasion de partir en week-end avec mes copines. C'est pour cela que Patricia a choisi EOVM CD Santé Vitalité, la complémentaire santé qui inclut l'aide aux aidants. Elle a pu être conseillée et accompagnée pour mettre en place un relais de qualité pendant son absence. EOVM CD Mutuel, une marque du groupe Aesio. Et en ce moment, profitez de 2 mois de cotisation offerts. Offre valable pour toute adhésion à un contrat EOVM CD Santé Vitalité. Voir conditions et limitations en agence ou sur eov-mcd.fr. Noroto. Tous les automobilistes sont différents. Et chez Noroto, ce qui fait la différence, c'est qu'on vous la rembourse, la différence. Si vous trouvez vos pneus moins chers ailleurs. Et le montage en une heure maxi, ça fait la différence aussi. Chez Noroto, tous les pneus sont en permanence garantis au prix les plus bas. Et montés en une heure maxi. Sinon, on vous rembourse le montage en bon d'achat. C'est un peu ce que je disais. Noroto. Valable pour 2 pneus achetés et montés chez Noroto. Conditions sur noroto.fr. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Le 9h30, 11h sur RTL où nous attaquons le cas de Siméon qui est en ligne avec nous sur RTL. Bonjour Siméon. Bonjour. Vous nous appelez d'où Siméon? De l'Eure-et-Loire, entre Dreux et Chartres. Alors Siméon, voilà plus de 2 ans que vous vous battez avec l'administration. Expliquez ça aux auditeurs d'RTL. Exactement, voilà, j'ai payé en août 2016... 1388 € en trop parce que il y a un défaut d'information sur mon espace personnel sur internet. Ce n'est pas à jour et en 2014 on m'avait réclamé des impôts sur le revenu de l'année 2013 ce qui était une erreur, j'avais fait réclamation et il m'avait accordé un dégrèvement d'impôt quelques mois après. Or sur internet ce dégrèvement n'apparaissait plus et par crainte et voyant la somme Siméon, si vous avez un dîner ce soir en tête à tête avec une nana, racontez-lui ça, vous allez l'emballer en 2 minutes. Minutes, elle vous dira: viens chez moi, tu me feras tout ce que tu voudras. Siméon, simplement, la question c'est est-ce que l'administration reconnaît son erreur? Pas du tout, jamais je n'ai eu de réponse de l'administration. J'ai envoyé depuis mon espace personnel, j'ai envoyé une lettre recommandée. J'ai un gros problème, Siméon, c'est que la journaliste qui s'est occupée de ce cas dit le contraire. Alors si on commence à dire le contraire de ce que vous nous expliquez, on est embêté. Alors c'est-à-dire quand même que Siméon a reçu des impôts, une lettre reconnaissant un dégrèvement, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas à payer cette somme. Voilà. Donc vous avez reconnu, donc l'administration a reconnu son erreur puisqu'il y a un dégrèvement. Ah oui, d'accord. Ce dégrèvement n'a jamais eu lieu. Est-ce qu'on sait pourquoi, maître Gévenot? Ce que veut dire Siméon, c'est qu'effectivement, daté quasiment du même jour, il a reçu un avis d'imposition et après tout de suite l'administration s'est rendu compte de son erreur, a envoyé un avis de dégrèvement, mais lui entre-temps il l'a payé. D'accord. Si vous voulez. Et donc il a payé même avec la majoration. C'est-à-dire que je pense que l'administration n'en revient tellement pas qu'elle n'arrive pas à le faire rentrer dans les cases. Un type qui paye alors qu'on lui demande de pas payer, je pense que c'est rare ici, mais que donc pour vous rembourser c'est un peu compliqué. Ça fait 2 ans qu'il attend. On appelle si vous voulez bien Charlotte maintenant, le service des impôts des particuliers non résidents. Lundi au vendredi de 9h à 16h heure française. D'accord. Exceptionnellement, la permanence téléphonique sera fermée le mardi 19 juin 2018 entre 12h30 et 13h30. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Redevable de l'impôt sur la fortune immobilière ici, vos déclarations ici et vos déclarations d'impôt sur le revenu pourront être souscrites cette année à titre exceptionnel jusqu'au 15 juin 2018. On peut pas mettre 2018 une musique romantique derrière. Non. La déclaration en ligne est obligatoire si votre revenu fiscal de référence de l'année 2016 est égal ou supérieur à 15 000 euros. Ouais, allô, Dédé, c'est moi. Vous trouverez sur le site impots.gouv.fr à la rubrique internationale particulier l'ensemble des informations sur le prélèvement à la source, sur la déclaration, l'imposition de vos revenus en tant que non-résident de France. Et écoute, prends 2 heures, visiblement. Les coordonnées bancaires, les impôts des particuliers non-résidents, ainsi que les formulaires. Tu comprends avec que ça compliqué les avoir au téléphone. J'ai demandé une musique romantique, pas une musique de film pornographique. Écoutez, votre rappel concerne le prélèvement à la source. Remarquez, ça devient... Le prélèvement à la source, hyper important. Votre rappel concerne la déclaration de vos revenus. Tapez 2. Votre Charlotte, rappel, vous en occupez, mon petit? Merci. Allez, vous essayez. Faisons le zéro. Il a fallu attendre tout ça pour merci avoir le zéro. Présenter. Oui. Bon, eh bien écoutez, l'accueil nous allons... L'accueil non-résident ne peut pas prendre en compte actuellement votre demande de rappel. Au revoir et merci. Ah non. Non, et raccrochez. Ah voilà, ça a raccroché. Si seulement un jour... lorsque je ne paierai plus mes impôts et que les gens ne seront pas contents que je ne les paie plus, je pouvais demander à mon épouse de faire le même message. Vous êtes bien enchaîné, Courbet. Je vous rappelle que pour le prélèvement à la source et compagnie, si vous nous réclamez de l'argent, ce n'est pas possible aujourd'hui. Au revoir. Comment réagirait-il? Alors, on essaie par une autre solution. Vous êtes payé pour ça, mes amis. Je m'adresse à Céline, à Charlotte, à Bernard, à Nathalie, à JB. Vous me trouvez un interlocuteur pour Siméon. Sinon, nous nous rendrons sur place. Mais il y a bien quelqu'un qui peut nous répondre. Oui. Peut-être remonter au ministère s'il le faut. Ok, Charlotte? Ça marche. Vous avez une petite idée, Céline, de qui il faut appeler? Alors, en fait, là, on était au service des impôts des particuliers non résidents parce que notre ami Siméon, à l'époque des faits, habitait en Russie. Donc, peut-être qu'on peut passer par la Direction Générale des Finances Publiques de Eure-et-Loire, puisque maintenant il habite l'Eure-et-Loire. On peut les appeler, c'est parti. Ça doit faire un choc de passer de la Russie à l'Eure-et-Loire. Bien sûr. Alors, on y va. Excusez-moi, je vais intervenir. J'ai pris rendez-vous avec eux, avec la Direction Générale des Finances, l'Eure-et-Loire. Ils m'ont rappelé pour dire nous ne pouvons pas vous occuper de votre dossier puisque vous étiez non résident à l'époque des faits. Ah oui. D'accord, ok. Alors là, cette fois-ci, on ne passe pas tous les barrages. Enfin, vous les passez, mais on ne les met pas sur l'antenne. Ah, là, ça a l'air de. Bon, récupérez Charlotte. Dès que vous avez quelqu'un, vous me le passez. On va voir quelqu'un. Vous me laissez Siméon appeler la France entière, mais on va voir quelqu'un. Mais je comprends qu'il soit un peu énervé. Il ne doit pas cet argent. Il l'a payé par erreur. On pourrait au moins lui parler pour lui dire ce qui se passe. Exactement. Alors d'abord, de ce service de l'Eure-et-Loire, qui j'espère sera plus facile à joindre, on attend d'eux qu'ils puissent décrocher leur téléphone et appeler leurs collègues. Parce que c'est une situation tout à fait anormale. Et on sait que l'administration fiscale est quand même proche des administrés. Et c'est quand même à elle de nous le prouver aujourd'hui. Bien. C'est parti, dans quelques instants, nous allons nous retrouver. Voici deux cas qui ont été lancés. Le point info, si vous le voulez bien. Maintenant, c'est en direct sur RTL. Le point sur tous les cas, c'est la minute info. Nous avons commencé par Saïd. En septembre dernier, Saïd a fait poser 10 fenêtres chez lui. Il a payé 7200 euros, mais le résultat n'est pas vraiment au top de sa forme. Nous revenons donc sur ce cas. Nous avons ce matin organisé un duplex. Hervé Pouchol est sur place. Sans aller trop loin, Hervé, parce que je suis un peu en retard, ça avance la vérification des fenêtres? Bon, Hervé est en train de discuter avec eux, on n'en saura plus s'ils se sont rendus sur place pour regarder l'étanchéité des fenêtres. De cas numéro 2, celui de Siméon donc à l'instant. Eh bien Siméon a payé trop d'impôts et ça fait 2 ans qu'il attend un remboursement de 1388 euros. Depuis tout ce temps, on lui dit que c'est en cours. Et c'est parce qu'il vivait en Russie à l'époque, parce qu'il était là-bas qu'on ne veut pas lui rendre. Mais nous allons essayer de surmonter ça. On se retrouve dans quelques instants sur RTL. À tous ceux qui sont toujours à 100%. Moi, dans mon métier, entre la compta, les clients, les fournisseurs, je dois toujours penser à tout. Alors, le jour où on me trouve quelqu'un pour m'aider, intelligent, qui s'adapte à ce que je veux, intraitable sur la sécurité et économique, appelez-moi. Vous allez adorer le nouveau Sprinter signé Mercedes-Benz. 100% intelligent et connecté, 100% sécurité, 100% personnalisable et 100% efficace. En un mot, 100% vous. Venez le découvrir chez votre distributeur. Mercedes-Benz, des utilitaires conçus pour durer. Élever seul ses enfants, ça arrive. S'occuper d'un parent dépendant, ça arrive. Faire face à une maladie grave, ça peut arriver aussi. Mais ce qui ne doit pas arriver, c'est que vous renonciez à votre vie personnelle ou professionnelle. Pour Malakoff Médéric, quand on est une complémentaire santé, vous aimer avec deux M, c'est vous permettre d'accompagner vos salariés dans leurs difficultés, grâce à plus de 200 experts en action sociale. Malakoff Médéric, on vous aime avec deux M. Offre soumise à condition. Pour plus d'informations, renseignez-vous sur malakoffmédéric.com. Et encore une bonne raison d'aller chez Carrefour. Si je vous dis que chez Carrefour, l'offre bio de la semaine, c'est le pain pavé Carrefour bio à seulement 1,60€ la pièce, bah oui, le pavé bio élaboré en France à partir de farine de blé 100% français et cuit sur place par les équipes Carrefour. Génial! Résultat des courses, avec Carrefour, c'est possible de manger bio français sans se ruiner. Jusqu'à vendredi, chez Carrefour, Carrefour Market et aussi dans leur drive, le pain pavé Carrefour bio est à seulement 1,60€ la pièce. Carrefour. 4€ le kilo, pièce de 400 grammes, détail produit sur carrefour.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Alors il faut refaire toute la toiture, avec l'étanchéité bien sûr, construire un balcon et agrandir le salon. Okay. Pour la fin de la semaine. D'ailleurs, vous travaillez bien en Ford Transit Courrier. Une bonne réputation se construit en Ford. Alors venez découvrir dans votre concession Ford toute la gamme Ford Transit à partir de 99€ par mois. Loyer après apport de 1450 euros, montant hors taxe pour une LLD 24 mois 30 000 km avec maintenance réservée aux professionnels jusqu'au 30 juin pour un nouveau transit courrier ambiant TDCI 75 chevaux. Si acceptation par Ford Lease, Bremany Lease, voir Ford.fr. Dites-moi, mon petit, vous savez où Akella fabrique ses vérandas ? Oh non, madame Latsou. Eh bien, c'est en France, en Vendée même. Ah bon ? C'est bien ça. Mais c'est exceptionnel, vous voulez dire ? En plus, Akella est élu leader 2017 pour sa qualité de service par le magazine Capital. Ça vous épate, non ? Je pourrais peut-être faire appel à eux. Je veux, mon neveu ! Akella, c'est du sérieux. Faites-moi confiance, il n'y a pas mieux. Akella, la reine des vérandas. Chez Feu Vert en juin, on prépare les vacances avec Michelin. Jusqu'à 80 euros offerts pour l'achat de vos pneus été ou 4 saisons Michelin. C'est ça, la patte de l'expert. Modalité sur feuvert.fr. Dans quelques instants, nous attendons de nouvelles impôts. Nous lancerons un troisième cas. Il y a toujours le duplex fenêtre. Bref, nous n'allons pas nous ennuyer dans cette deuxième demi-heure. Merci d'être sur RTL. What's the sense in sharing this one and only life? Out, 10h. L'information sur RTL, c'est avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Julien, bonjour à tous. Peut-on renoncer à la liberté ? Toute vérité est-elle définitive ? L'expérience peut-elle être trompeuse ? Voici quelques exemples des sujets de philo du bac 2018. L'épreuve a commencé à 8h et se termine à midi. 750 000 candidats sont en train de plancher. Cet après-midi, les terminales vont passer le relais aux premières qui vont passer leur bac de français. Dans les universités, la facture est très lourde suite au blocage et aux dégradations commises par des opposants à la réforme Parcoursup. La ministre de l'Enseignement supérieur était l'invitée d'RTL ce matin. Elle annonce plus de 5 millions d'euros de dégâts au total ce printemps, dont elle attribue la responsabilité à des mouvements radicaux très politisés à Tolbiac, à Montpellier, Toulouse, Grenoble. Les réparations vont peser sur le budget du ministère. Divorce consommé entre Laurent Wauquiez et Virginie Calmels. La numéro 2 des Républicains a finalement été limogée hier soir. Épilogue de 2 semaines de conflit. Virginie Calmels avait émis des lourdes critiques dans la presse hier sur le manque de volonté de rassembler du président de LR. Elle est remplacée par Jean Leonetti au poste de vice-président délégué des Républicains. Une bagarre mortelle à Marseille la nuit dernière sur le Vieux-Port. Un militaire de la Légion étrangère a été placé en garde à vue. Il aurait tué un homme et blessé un autre avec un couteau. Il avait consommé de l'alcool. L'enquête devra déterminer les circonstances précises de cette altercation dramatique. La Bourse de Paris, elle a ouvert en légère baisse ce matin. Une baisse qui se poursuit, moins 0,69%. Le CAC 40 actuellement autour des 5463 points. La France, championne d'Europe des grèves et des retards. La commission des finances du Sénat dresse un constat sévère sur le contrôle aérien français. Entre 2004 et 2016, la France a enregistré 254 jours de grève, loin devant la Grèce, deuxième avec seulement 46 jours, et l'Italie 37 jours. Des mouvements sociaux chez les contrôleurs aériens français qui seraient ainsi responsables d'un tiers des retards en Europe. Parmi les responsables, le rapport pointe notamment la vétusté du matériel. La Terre a tremblé cette nuit au Japon. Un séisme qui a fait 3 morts, dont une fillette de 9 ans et 214 blessés selon un dernier bilan. La forte secousse a également provoqué d'importants dégâts et privé d'électricité plus de 170 000 foyers nippons. Le football, la Coupe du Monde qui se poursuit en Russie avec 3 nouveaux matchs à suivre cet après-midi. Suède-Corée du Sud à 14h. La Belgique, les Diables Rouges qui vont affronter le Panama. Ce sera à 17h et puis l'affiche de la soirée. Tunisie-Angleterre à 20h à suivre bien évidemment dans le club RTL Mondial 2018 entre 20h et 22h. La météo cet après-midi, le ciel va se dégager au fil des heures. On a déjà du beau temps sur la moitié est ce matin. À l'ouest, il faudra être un petit peu plus patient, mais le soleil va percer notamment sur la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France. Les températures pour cet après-midi comptaient 22 degrés à Lille et à Nantes. Il fera 23 à Paris, 24 à Strasbourg, 27 degrés à Ajaccio, 31 à Toulon. Les courses à Vichy ce lundi, voici les pronostics de Dominique Cordier pour le Quintet. Il vous conseille de miser sur le 8, le 17, le 4, le 10, le 15, le 18, le 12, le 13 et la dernière minute, c'est le 4 Bob Magic. Il est 10h04 bientôt sur RTL, retour de Julien Courbet. Merci beaucoup et d'autres infos tout à l'heure bien sûr à partir de 11h. À tout à l'heure. Nous rappelons donc que ce matin 3 cas ont été lancés. Voici le point info sur tout ce qui s'est passé. Nous allons faire maintenant des allers-retours entre les duplex et les appels téléphoniques. C'est parti. Le point sur tous les cas, c'est la minute info. Nous avons démarré par Saïd, nous revenions sur son cas. J'ai fait appel à une entreprise pour changer les 10 fenêtres de ma maison. J'ai payé 7200 euros. Plusieurs fenêtres sont pas étanches. Les finitions laissent à désirer. J'ai même une fenêtre dont le châssis est cassé. Hervé Pouchol, vous êtes en duplex sur place, vous vous êtes rendu avec le professionnel, avec l'auditeur, dans la maison de l'auditeur. Où en sommes-nous, s'il vous plaît ? Eh bien, écoutez, nous avons fait le tour des imperfections constatées par le professionnel, mais également par Monsieur Boubaker et sa famille. Nous sommes bien entourés aujourd'hui, ici à Livry-Gargan. Et j'ai plutôt une bonne nouvelle à vous annoncer, parce qu'ils ont réussi à s'entendre. Et un premier rendez-vous va avoir lieu le 29 juin. C'est-à-dire que Monsieur Alaoui va venir avec un poseur pour venir constater les dégâts. Et surtout, ils vont signer un accord, tous les deux, pour dire, ben voilà, il y a 7 à 8 fenêtres qui posent problème, et dans la première quinzaine du mois de juillet, eh bien, ces travaux seront effectués. Bravo. Visiblement, eh bien, écoutez, ça s'est plutôt bien passé. Eh bien, c'est très très bien, ça prouve que nos amis de Micapen sont des professionnels qui veulent que le client soit satisfait. Est-ce que Saïd peut me parler ? Saïd, vous m'entendez ? Oui, écoutez, Saïd, je vous le passe, parce que nous sommes avec... Voilà. D'accord. Donc, je ne sais pas ce qu'ils faisaient tous les trois. Oui, Saïd, vous m'entendez ? Je vous entends, Julie. Vous êtes content ? Très bien, Julien. Très bien, Julien. Oui. Merci beaucoup. Je vous Là, en on a prie. Trouvé un arrangement avec le monsieur Illès qui m'a promis qu'il va tout Parfait. Faire avec son ouvrier et que ça va s'arranger là. On suivra ça de près. Un dernier mot, voilà. Bernard. Donc on peut dire merci beaucoup à Micapen là, si oui. ils tiennent leur parole et puis hein. Et on suivra ça, Bernard. Oui, moi je remercie le franchiseur, gentil, monsieur Ekinci, qu'on avait eu donc vendredi après-midi, qui a convaincu donc évidemment son responsable à Livry-Gargan pour justement qu'on constate les problèmes et qu'on trouve des solutions. Super. C'est parfait. En tout merci cas, à Micapen. Bravo à Micapen, bravo à ce monsieur, on se téléphone Ekinci. D'ici 10 jours pour dire que tout va bien. Et Saïd Boubaker, notre auditeur, est très content. Il chante donc, et c'est normal, notre ami Boubaker, la chanson de la joie. Boubaker, il est bien content. Boubaker, il a ses fenêtres. Nous avons une chanson par auditeur. Seule cette radio peut vous proposer ce service. Et croyez-moi, il faut parfois s'arracher les cheveux pour y arriver. Ça, c'est un premier cas. Hervé, vous pouvez rentrer au studio si vous le souhaitez. Si jamais vous décidiez de ne pas rentrer, évidemment, ce sera décompté de votre cachet. Nous allons. Bah, j'arrive. Ben bah, voilà, il arrive tout de suite. J'arrive. Le cas numéro 2. Eh bien, c'est le cas de Siméon. Il est très sympa, Siméon, avec l'administration. Il a payé trop d'impôts, plus de 1 388 € d'impôts en trop, et pourtant impossible de se faire rembourser depuis 2 ans. Où en est-on, puisque nous avons appelé le service des impôts, nous avons une première dame qui a beaucoup parlé, et puis tout d'un coup a dit je ne parle plus, elle a dit c'est terminé, je raccroche, mais c'est la machine qui a dit ça, donc nous avons appelé l'échelon au-dessus. Oui, alors j'ai fait les 2 numéros, donc j'ai réécouté 4 fois le message que vous avez entendu tout à l'heure. Déjà il me faudrait un petit café, Julien, et ensuite bah, j'ai eu personne. Bon, alors nous appelons maintenant peut-être le ministère, oui. Voilà, il va falloir appeler la direction de communication de ce ministère pour aider notre auditeur qui a payé plus qu'il ne fallait, il n'arrive pas à se faire rembourser par nos amis des impôts. Le troisième cas arrive dans une seconde. C'est le cas de Stéphanie. Stéphanie, avec Sébastien, vous savez, elle a un gros problème de véranda. Ça fuite partout. La vidéo est sur Facebook. Il faut aller la voir, cette vidéo. Elle est assez impressionnante. Vous verrez une belle véranda, comme on en rêve tous, parce que c'est une pièce en plus qui donne sur le jardin, sauf que la sienne fuit de tous les côtés. Les images sont sur Facebook. La page, elle peut vous arriver. On s'occupe de tout ça dans une seconde sur RTL. Non, pour moi, tout a basculé le jour où on m'a dit que l'Opel Corsa était à partir de 8 900 € avec climatisation, radio CD, Bluetooth, régulateur de vitesse. Et là, j'ai pas cru, quoi. Donc l'offre allait passer. Et là, c'est là que ça a basculé. J'ai commencé à me déguiser pour pas qu'on me reconnaisse. Enfin, la dégringolade, quoi. Des quoi? Des médocs? Ouais, j'en prends, ouais. Vous avez jusqu'au 30 juin pour y croire. Avec l'éco-prime Opel, la Corsa est vraiment à partir de 8 900 €. C'est ça, 8 900 €. Sous conditions de reprise, prime gouvernementale et éco-prime Opel déduite, conditions sur opel.fr. À tous ceux qui veulent être bien dans leur peau, bien dans leur tête, bien dans leur basket ou tout simplement bien dans leur vie. À tous ceux qui se demandent comment ils sont couverts en cas d'accident ou d'hospitalisation, Adria Mutuelle souhaite la bienvenue. Parce qu'une mutuelle qui vous connaît bien, c'est une mutuelle qui vous protège mieux. Et pour chaque jour être bien, Adria vous offre vos renforts accidents et hospitalisations pour toute complémentaire santé souscrite jusqu'au 31 juillet. Voir modalités en agence ou sur adria.fr. Adria est une mutuelle du groupe Aesio. On en parle. Darty propose des solutions de livraison pour répondre à tous les besoins de ses clients. Quand son réfrigérateur a rendu l'âme, Émilie s'en est fait livrer un nouveau dès le lendemain par Darty. Une expérience positive qu'elle nous raconte dans un instant. On en parle. Intermarché vous propose d'écouter des fans de food. Au fait, chérie, t'as pensé à prendre ton maillot? Celui de l'Espagne ou celui du Brésil? Pendant l'opération Fan de Foot chez Intermarché, tentez de gagner un voyage en Espagne, en Argentine, en Angleterre, au Brésil ou des millions d'autres cadeaux. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 15 juillet, tickets distribués tous les 25 euros d'achat. Modalité du jeu et magasins participants sur intermarché.com. Et bien sûr, foot veut dire nourriture. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Et je vous propose, le temps que ça se décompte pour les impôts, de parler maintenant de l'arnaque en temps réel, sachant qu'un nouveau sujet du bac ES vient de tomber de philo. Ah. Toute vérité est-elle définitive ? Alors, si Hervé Pouchol avait été parmi nous, il vous aurait dit qu'il aurait répondu non. Non. C'est-à-dire que lorsqu'une jeune fille lui dit « Tu es vraiment sûr? Tu es vraiment amoureux de moi? Si je passe la nuit avec toi, je te reverrai demain ?» Évidemment. Et le lendemain, évidemment, écoute, la vérité d'aujourd'hui n'est plus celle d'hier. Donc, etc. Je ne pourrai pas te revoir une deuxième fois. Selon la Voix du Nord, la Voix du Nord a dans les yeux le soleil qu'ils n'ont pas chez eux. Jingle. L'arnaque en temps réel, aux quatre coins de la France, c'est dans le 9h30, 11h, sur RTL. La Voix du Nord nous dit qu'un homme déjà condamné pour avoir monté un faux spectacle de Robbie Williams en 2007, a recommencé. Il a de nouveau été jugé pour avoir voulu cette fois organiser un faux concert de Stromae au stade du Hainaut de Valenciennes. Tout a commencé en 2014, quand l'individu s'est rapproché du président du club de foot de l'époque, Jean-Raymond Legrand. En se présentant à lui comme un ingénieur du son, l'homme expliquait vouloir devenir partenaire du club et formulait de nombreuses promesses. Heureusement, l'ex-patron du club a fini par découvrir le poteau rose. Quand il a vu que le petit malin n'avait jamais d'argent pour payer les restaurants, et l'usurpateur a été dénoncé. Le seul conseil que l'on peut vous donner à vous, futur client de concert, un concert existe quand vous voyez les places en vente, Fnac.com, Carrefour.com, Leclerc.com, Ticket.com, tout ça. Sinon, vous laissez tomber. Rien d'autre à rajouter. Maître Fellino, c'est quoi? C'est un larcin. Ah bah attends, c'est pas un larcin du tout. Il a pris un an de prison ferme. Mais j'ai dit larcin parce que c'est un mot qui m'est venu comme ça. Voilà. Oui. Mais il a surtout une interdiction définitive de gérer toute entreprise. Et vous voyez, ce sont des peines qui sont supplémentaires et qui sont souvent aussi graves qu'une incarcération parce qu'on est privé de son métier habituel lorsqu'effectivement le tribunal estime que vous n'en êtes pas digne. Eh bien, nous allons nous écouter avant de refaire un point sur les trois cas, puisqu'il y en a quand même deux qui sont bloqués, un qui a bien avancé, et nous écouter maintenant celui qui est album de la journée, Je reviens à toi. Il sera de retour sur scène dès cet automne avec RTL. Ah non, je pensais qu'on allait écouter des extraits toute la journée, j'ai inventé ça. Bon, il y en aura quand même quelques-uns. Mais voilà, on est en tout cas partenaire de cet album de Marc Lavoine, l'homme qui parle comme ça et qui chante comme je t'aime. Écoutez, encore du romantisme, toujours de l'amour, du glamour, ça change un peu hein, de ceux qui sont autour de cette table. En voilà un qui s'est parlé. On devrait, je vais vous dire, franchement prendre des leçons avec lui. On t'embrasse, Marc. Mais avant de partir, j'écris quelques mots, un dernier souvenir, et j'ai le cœur gros. Je n'écrirai plus jamais après toi, puisque je t'ai perdu comme on perd la foi. Mais avant de partir, de fermer la porte, le dernier souvenir que la vie emporte, comme une lettre, un soupir glissé sous la porte, un au revoir en quelque sorte. Si tu savais avant de partir, refaire ma vie, un dernier Le nouveau Marc Lavoine sur l'antenne d'RTL. Une alerte de quel côté, Bernard Sabat? Sur quel cas à 10h15? Sur le cas de Siméon. Alors Siméon, allons-y. Eh bien, Siméon, vous savez, c'est son problème des impôts. Il a payé trop d'impôts, plus de 1388 euros en trop. Ça fait 2 ans qu'il se bat pour les récupérer. Alors, où en est-on? Que se passe-t-il? Écoutez, j'ai eu carrément la direction des ministères de l'économie et des finances, Julien. On m'a demandé d'envoyer un mail très précis avec le document de dégrèvement et ça devrait aller relativement vite. Voilà la réponse. Super. Que j'ai eue. Des gens, donc, c'était très clair et cette dame-là était charmante au téléphone, Julien. Je tiens à signaler. Attends, très bel accueil. Alors, Siméon, m'entendez-vous? Oui. Écoutez, ça sent plutôt bon. Nos amis du ministère vont s'occuper de vous et regarder le cas. Donc d'ici fin de semaine, nous devrions avoir du nouveau. D'accord, Siméon? D'accord, merci beaucoup, Julien. Je vous en merci prie. Merci à tous. Je vous souhaite une belle journée, Siméon. Merci, vous aussi. À bientôt. Alors, nous allons attaquer le cas numéro 3. Cas numéro 1, résolu, mesdames et messieurs. Saïd et ses fenêtres, accord trouvé. Siméon, normalement, accord trouvé, mais nous attendons la fin de la semaine et nous allons revenir sur la véranda dans une seconde de Stéphanie. Le point Coupe du Monde avec Alain Hazard, ex-journaliste football, qui a pronostiqué que le match d'ouverture ferait 0-0. Or, on n'a jamais vu autant de buts pour un match d'ouverture depuis la création de la Coupe du Monde. Son argumentation étant basée sur le fait qu'un match d'ouverture est toujours nul et qu'il n'y a jamais de but. Là, le record a été battu. 5-0. Quels sont les matchs du jour? 14h, Suède-Corée du Sud. 17h, Belgique-Panama. Et 20h30, Tunisie-Angleterre. J'attends avec impatience votre pronostic pour Tunisie-Angleterre. Non, moi, je ne fais pas de pronostic. D'accord. Moi, je ne me vante pas d'avoir été journaliste sportif. Par contre, vous allez nous donner... Vous allez nous... Mais c'est pour ça que vous ne l'êtes plus, on comprend. Ça commence, vous. On a bien compris. Alors, Tunisie-Angleterre, combien c'est le gros match de la journée? Un partout. Donc il devrait y avoir 5-1 pour l'une des deux équipes. On verra demain. Donc vous avez bien noté. Redites-le, attention. Quel est le score pour ce soir? Un partout. Bien, ça a été enregistré. Demain, nous diffuserons ça avec le score. Autre info incroyable. Vous savez le monsieur qui a sauvé cet enfant qui était suspendu au balcon, Mamadou Gassama, je crois. Eh bien, il aurait été contacté par Danse avec les Stars sur TF1 pour participer à la prochaine édition. Ah bon? Je peux vous dire... Quel est le rapport? Que je ne sais pas. Mais si, ils se sont dit, il est musclé, il est beau, etc. C'est un beau gosse, celle c'est sûr. Celle qui va faire le porté avec lui, vu la force de cet homme, je peux vous dire que les coachs ne vont pas se battre. Parce que quand il va l'attraper, un homme qui grimpe au 5e étage à main nue et qu'il va la lancer en l'air, elle va démarrer dans le studio de TF1, le lancer, et je pense que l'arrivée se fera au siège de TF1, qui se trouve 11 km plus loin. Le cas numéro 3, Stéphanie. Eh bien, c'est Stéphanie. Elle a un problème avec sa véranda. Elle l'a achetée il y a quelques années. Le problème, c'est qu'à cause de la grêle, eh bien maintenant, ça fuit partout. Une entreprise qui n'est pas celle qui l'a posée à la base est venue lui changer la véranda. Le problème, c'est que ça fuit encore. La vidéo est sur Facebook. Je vous laisse justement le soin de regarder cette petite vidéo sur le Facebook. La page, ça peut vous arriver. Et juste après, j'accueille Stéphanie et nous lançons les appels. Quel que soit votre problème, une seule radio aide ses auditeurs. Elle s'appelle RTL. A tout de suite. Alors, il faut refaire toute la toiture, avec l'étanchéité, bien sûr, construire un balcon et agrandir le salon, pour la fin de la semaine. D'ailleurs, vous travaillez bien en Ford Transit Courrier. Une bonne réputation se construit en Ford. Alors venez découvrir dans votre concession Ford toute la gamme Ford Transit à partir de 99 euros par mois. Loyer après apport de 1450 euros, montant hors taxe pour une LLD 24 mois, 30 000 km avec maintenance réservée aux professionnels jusqu'au 30 juin pour un nouveau transit courrier ambiant TDCI 75 chevaux. Si acceptation par Ford, Lease, Bréman et Lease, voir Ford.fr. Passons au retrait à l'avant-centre qui tire, c'est le but! Ça, c'est ce qui se passe dans la tête d'Alex quand il comprend enfin la règle d'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Quel que soit le niveau ou la matière, Acadomia propose dans ses 110 centres des stages en petits groupes pour reprendre le rythme en douceur avant la rentrée. Réservez vite une place pour votre enfant. Appelez-nous ou renseignez-vous sur acadomia.fr. Acadomia. Apprendre, ça s'apprend. Chérie, j'ai une grande nouvelle, on change de box. Ah bon? Mais pourquoi? Bah parce qu'en ce moment, Free propose la Freebox Révolution à 19,99€ par mois. On est obligé de sauter dessus. Et en plus, on aura la fibre, t'imagines? Ah oui, j'ai surtout envie de te sauter dessus. Hein? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Non mais doucement chérie. Merci Free. Freebox Révolution avec TV by Canal Panorama, en ce moment à 19,99€ par mois pendant un an au lieu de 44,99€. Appelez gratuitement le 1044 ou rendez-vous sur free.fr. Offre soumise à condition, engagement 12 mois sous réserve d'éligibilité à la fibre. Leclerc. Chérie, en ce moment chez l'Auto Leclerc, il y a une promo sur l'achat et la pose de pneus Goodyear, Hankook ou Lofen. Oui, et donc? Bah, à la veille des départs en vacances, mieux vaut faire changer ses pneus usés maintenant plutôt que sur le bas-côté. Ah bah carrément. Du 19 juin au 14 juillet dans les centres l'Auto Leclerc, pour l'achat et la pose complète de deux pneus Goodyear, Hankook ou Lofen, bénéficiez de 15€ de réduction immédiate ou 40€ pour 4 pneus. Voir modalité dans les magasins participants, offre non cumulable avec d'autres promotions en cours. Voilà, on a des beaux pneus neufs, deux grandes marques et à prix Leclerc. Et il est content. Parfaitement. Et si on parlait de Renault Pro Plus avec Valérie, restauratrice? Vous dites, tout inclus pour mon trafic. Ça inclut vraiment tout? Oui, EasyLock Pro Plus est une location longue durée qui inclut les révisions, les plaquettes de frein, les pneus, et si votre trafic est immobilisé, vous avez un véhicule de remplacement. Vous dites aussi tout équipé? Bien sûr, nous avons près de 1000 trafics grand confort disponibles. Tout inclus, tout équipé et tout de suite, ça c'est pro. Dans la limite des stocks disponibles, voire conditions en concession ou sur Renault.fr. Dites donc, vous ? Moi, Madame Latsou ? Bah oui, vous ! Vous saviez qu'Akena fabrique aussi des pergolas ? Ah oui. Et pas n'importe lesquelles, des pergolas bioclimatiques. Pour profiter de votre terrasse, les pergolas Akena, c'est extra. Et elles sont sur mesure aussi ? Monsieur Akena, on fait ce qu'on veut ! Même avec les pergolas. Je me suis regardé, hein ? Ah oui ? Bah, qu'est-ce qu'il croit, celui-là ? Akena, la reine des vérandas. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Il est grand temps de passer à la véranda de Stéphanie qui est en ligne avec nous. Bonjour Stéphanie. Bonjour tout le monde. Alors Stéphanie, vous nous appelez d'où ? Du Doubs. Pardon ? Du Doubs. Ah, du Doubs, d'accord, parfait. Stéphanie, allez-y, expliquez votre problème de véranda à nos auditeurs d'RTL qui adorent les vérandas, je tiens à vous le dire. Alors en fait, en 2012, j'ai eu un dégât de grêle sur le toit de ma véranda. J'ai fait une déclaration à mon assurance habitation qui m'a envoyé une entreprise pour refaire le toit à neuf. Et l'entreprise, elle a mal fait son travail puisqu'aujourd'hui, j'ai un gros problème d'étanchéité avec des fuites partout. Je joue des bassines, en fait. Dans ma véranda, ben, c'est ma cuisine, c'est mon salon. Le gérant de la société est venu sur place. Il m'a dit qu'il n'allait pas faire marcher sa décennale pour ça et puis qu'il viendrait. Bon. Mais j'attends. Mais il ne vient pas, il a bien vu, il ne conteste pas qu'il y a des fuites. D'ailleurs, ça serait difficile à contester, Maître Félodeau, vu les vidéos que nous a envoyées Stéphanie. Mais il serait venu plus tôt, je pense que ces fuites seraient moins importantes, parce que maintenant, cette véranda est totalement inhabitable. Ouais. Alors, ce qui est gênant, et qui met souvent les... Parce que ce ne sont que des problèmes de communication, en fait, quand on réfléchit bien, quand on écoute l'émission régulièrement. Ce qui met Stéphanie en pétard, c'est d'entendre, si c'est vrai, hein, nous n'étions pas là quand il l'a dit, écoutez, je ne vais pas mettre ma décennale en place pour ça, hein, ça peut attendre, je viendrai entre deux rendez-vous, c'est ça. Alors qu'il y en a pour beaucoup plus qu'un petit serrage de vis. Ce qui la met surtout en pétard, Julien, et c'est toute l'originalité de ce dossier, c'est que cette entreprise, elle ne l'a pas choisie. C'est son assureur qui lui a dit, voilà, je prends acte de votre déclaration de sinistre, vous ne vous occupez de rien, je vous envoie une entreprise. Donc elle n'a pas signé de devis, elle n'a pas choisi l'entreprise évidemment, elle n'a pas payé la facture. Elle a choisi l'entreprise pour la véranda, mais elle n'a pas choisi quoi ? Celle qui est venue réparer la fuite. La même. Non, c'est pas la même, c'est une autre qui a été mandatée par sa compagnie d'assurance qui lui dit, écoutez, au lieu de vous indemniser en argent, de faire venir un expert et de vous faire une indemnité en argent pour que vous puissiez faire vos travaux vous-même, nous, on vous envoie une entreprise. Et il mandate une entreprise qui visiblement n'a pas bien fait les choses et là, il la laisse totalement tomber. Du coup, on appelle qui ? L'assurance ? Alors, on appelle d'abord l'entreprise parce que c'est quand même elle qui a mal fait les travaux, c'est à elle de déclarer son sinistre. On y va. Et on appellera l'assurance parce que moi j'ai 2 ou 3 mois à leur dire. Mais sur la façon dont ils gèrent leur client. L'entreprise que l'on appelle, c'est celle qui devrait venir réparer. Exactement, d'accord. Qui a fait les travaux et qui les a mal faits. Ah, d'accord. Travaux de réparation et qui les a mal faits. Ici Claire, Diffusion. Veuillez patienter quelques instants. Nous allons donner suite à votre appel. Nous sommes plutôt dans le classique. Oh non, on l'était le plus sûr encore. Société GLR Diffusion, bonjour. Bonjour GLR Diffusion, Julien Courbet à l'appareil. Nous sommes en direct au moment où je vous parle, madame, sur l'antenne d'RTL. Ce n'est pas une blague, je suis avec Stéphanie Bocci, qui attend désespérément que l'on vienne s'occuper de sa véranda qui fuit un peu de tous les côtés. Est-ce que Monsieur Roy est là, par hasard ? Quittez pas deux secondes. Merci. Cette dame va appeler le roi de la société, le gérant. Nous sommes à Offemont, chez JLR Diffusion. Si des fois il y en avait plusieurs, celui-ci est à Offemont, donc les autres JLR qui existent n'y sont pour rien. Vous me récupérez l'appel, Bernard, s'il vous plaît. On attend un petit peu avant d'appeler l'assureur. Incroyable que l'assureur prenne des décisions comme ça, pourquoi pas après non, tout. Non, c'est un service qui est vraiment extrêmement intelligent. Parce que vous vous rendez compte, vous avez vous déjà un gros dégât. Et vous vous occupez de rien. Vous avez un type qui arrive chez vous pour réparer votre dégât. Que demander de plus ? Quel service magnifique ? Quand il est bien rendu, Julien. Parce que là, vous envoyez des entreprises qui ne font pas bien leur job et surtout qui ne reviennent pas. Et j'ai des choses à vous dire sur la façon dont le sinistre a été géré. Parce qu'elle a attendu. Alors voilà, elle a essayé d'alerter son assureur en disant, écoutez, moi, l'entreprise, j'arrive pas à la gérer. D'abord, je connais même pas son nom. J'ai même pas la facture. Et elle a mis 3 ans avant d'obtenir la facture, Julien. 3 ans. Elle a fait une tentative de conciliation. L'entrepreneur n'est pas venu. Et son assurance lui dit, écoutez, maintenant, c'est de la responsabilité décennale. Débrouillez-vous. Et ne lui donne même pas le nom de la compagnie d'assurance. Non, alors, franchement, c'est trop. Bernard? Monsieur Jean-Louis Roy n'est pas là. Ce qu'on nous a dit, donc on va peut-être tenter son portable. Alors, on va essayer sur une autre ligne d'avoir Monsieur Roy. Si vous l'avez, vous démarrez la conversation avec lui pour lui expliquer l'appel. Alors, s'il n'est pas là, il n'est pas là, on n'y est pour rien, mais nous et eux non plus. Mais qu'elle ne s'inquiète pas, Stéphanie, nous aurons JLR Diffusion ou cet après-midi, ou demain, ou un petit peu plus tard, là, d'ici 11h. JLR Diffusion, Monsieur Jean-Louis Roy, de manière à ce que Stéphanie et son mari puissent être heureux dans cette véranda. Parce qu'au début, quand elle était toute neuve, avant qu'elle fuit, il se tenait par la main, il la regardait, il se tenait comme ça amoureusement en chantant « La véranda, c'est la vie que je mène avec toi. » Il l'embrassait. « La véranda, regarde ça, elle fuit sous le Alors, on attend qu'il nous rappelle. Le cas suivant, nous allons attaquer la farandole, bien sûr, dans une seconde. Des cas qui bloquent et que nous essayons de débloquer chaque matin. Nous attaquerons avec lequel, Céline, s'il vous plaît ? Eh bien, ce sera le cas de Joël. Vous savez, elle a fait gérer un de ses biens par une agence immobilière et elle doit être remboursée de plus de 4300 euros. A tout de suite sur RTL. Là. À 11h sur RTL. À la bonne heure, à l'Opéra. Avec Stéphane Bern. À partir du 15 juin, l'art lyrique est de sortie avec l'opération Opéra en plein air. Après Julie Gayet, Ariel Dombal ou Patrick Poivre d'Arvor, c'est le cinéaste Radu Mihailianu qui montra Carmen de Bizet en plein air. Et le parrain de cette édition n'est autre qu'Antoine Duléry. On les aime tous les deux. À la bonne heure, à partir de 11h sur RTL. Alors rendez-vous tout à l'heure avec Radu Mihailianu et Antoine Duléry. À tous ceux qui sont toujours à 100%. Moi, dans mon métier, entre la compta, les clients, les fournisseurs, je dois toujours penser à tout. Alors, le jour où on me trouve quelqu'un pour m'aider, intelligent, qui s'adapte à ce que je veux, intraitable sur la sécurité et économique, appelez-moi. Vous allez adorer le nouveau Sprinter signé Mercedes-Benz. 100% intelligent et connecté, 100% sécurité, 100% personnalisable et 100% efficace. En un mot, 100% vous. Venez le découvrir chez votre distributeur. Mercedes-Benz, des utilitaires conçus pour durer. Pour EOVI MCD Mutuelle, je ne suis pas une senior, je suis Nicole. Moi, à la retraite, je la vois comme une nouvelle vie. Et c'est le moment idéal pour me mettre à la marche nordique. C'est pour cela que Nicole a choisi EOVI MCD Santé Vitalité. La complémentaire santé qui lui permet de bénéficier gratuitement et à domicile d'un bilan d'activité physique. Idéal pour rester active et en bonne santé. EOVI MCD Mutuelle, une marque du groupe Aesio. Et en ce moment, profitez de 2 mois de cotisation offerts. Offre valable pour toute adhésion à un contrat EOVI MCD Santé Vitalité. Voir conditions et limitations en agence ou sur EOVI-MCD.fr. Et si on parlait de la French Touch Renault ? Découvrez Mégane et sa large gamme de nouveaux moteurs essence. Plus de couple, plus d'agrément, mais pas plus de consommation. Couplé à une boîte manuelle ou automatique à 7 vitesses, ils vous emmèneront très loin dans le plaisir de conduire. Portes ouvertes intersidérales du 14 au 18 juin dans le réseau Renault. Renault reprend votre voiture 4000 euros en plus de sa valeur pour l'achat d'une Mégane. Offre valable du 1er au 30 juin sur toute la gamme Mégane, voire Renault.fr. French Touch, touche française. Leclerc. Dites donc, Philippe, on prépare l'été à ce que je vois. Ah, ça ? Oui, de la 1664 en pack de 24 bouteilles avec 30% de remise immédiate en ce moment chez Leclerc. De la 1664 en promo ? Eh oui. Du 12 au 23 juin chez Leclerc, le pack de 24 bières 1664 de 25 centilitres avec 30% de réduction immédiate est à 7,91€, soit 1,32€ le litre. Voir modalités et magasins participants sur www.1.leclerc. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Et 30% sur de la 1664, ça en fait des économies. C'est pas faux. Peugeot Professionnel, des solutions pensées pour les pros. Charger un matériel de 3 mètres de long et suivre le chemin le plus rapide. C'est ce que permet le Peugeot Partner avec banquette multiflex et navigation sur écran tactile. Il s'adapte à vos challenges au quotidien. En ce moment, le Peugeot Partner Premium Pack avec navigation est à partir de 129€ hors taxes par mois avec 3 ans d'entretien offert. Crédit bail 36 mois et 30 000 km sous réserve d'acceptation crédit par. Premier loyer 1870€ hors taxes. Détails sur professionnel.peugeot.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Et pour tous ceux qui se posent la question, quand elle sort de la salle de bain, avec son peignoir en soie, la Nathalie Fellono, et que l'homme est là, assis sur le bord du lit, et qu'il voit ce chef-d'œuvre, il crie... Don't be afraid of your freedom! Ça ne veut rien dire, mais c'était la seule façon de lancer le disque. C'est The Soup Dragons. I'm free. Oh, ils doivent bien crier quelque chose. Alors, est-ce que c'est ça ou autre chose? On s'en moque. I'm free to do what I want any old time. I said I'm free to do what I want any old time. Vous êtes sur RTL de Soap Dragons, il est 10h33, un troisième cas est attaqué, c'est celui de Joël. Écoutez ce que nous a dit Joël, enfin Céline va nous le résumer. Eh bien, Joël a fait gérer un de ses biens immobiliers par une agence immobilière. Le problème, c'est que cette agence a mis une locataire, soi-disant dans l'appartement, mais en fait, on s'est découvert que personne n'occupait l'appartement. Mais néanmoins, la locataire, enfin en tout cas la propriétaire, aurait dû toucher des loyers. Je crois que l'agence a été condamnée pour ça. Oui, l'agence a été condamnée parce qu'elle n'a pas poursuivi la locataire et qu'elle donc elle a privé le propriétaire de la chance de percevoir ses loyers. Et il y a un jugement qui est définitif et qui n'est pas exécuté. Alors, nous avons appelé. JB, où en est-on? Parce que je me rappelle qu'on avait appelé l'agence, nous étions revenus le lendemain. Que se passe-t-il? Oui, alors, on n'avait pas eu la responsable, Julien, Corinne Boudet, qui était occupée à ce moment-là. Elle m'a rappelé elle-même le lendemain, elle m'a appelé directement et elle a voulu s'expliquer. Alors, elle ne souhaite pas s'exprimer à l'antenne, mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle s'engage à transmettre d'ici la fin du mois un échéancier à notre auditrice et un premier paiement. Alors, on va suivre tout ça de près avec Joël. Corinne Boudet a aussi voulu me préciser que plusieurs auditeurs ont appelé son agence pour l'insulter. Alors, ça, c'est pas bien. Bien sûr, il faut arrêtez d'appeler, vous n'avez pas à l'appeler, ça ne changera rien, mesdames et messieurs, c'est très gentil. Mais il faut quand même que cette dame comprenne qu'elle ne peut pas comme ça laisser une cliente sans ses loyers alors qu'elle croyait qu'ils étaient payés. Est-ce que Joël est en ligne avec nous? Oui, Julien, je suis là. Oh, Joël, as-tu entendu la nouvelle annoncée par le grand JB? Ah ben oui, c'est très bien, c'est une bonne avancée. Voilà. Et ben, je suis contente que ça puisse déboucher sur quelque chose. Alors, attendons quand même d'avoir un petit peu d'argent entre les mains. Oui. Bien sûr, mais vous allez nous tenir au courant. JB va vous appeler régulièrement et attendons que le premier versement de boudée d'office soit effectif. Maître Fellonneau. Oui, alors Julien, évidemment, Joël ne saute pas de joie au plafond et on la comprend parce que le jugement remonte au 29 juin 2015. Oui, alors oui, effectivement, elle l'a vraiment en travers de la gorge. C'est une bonne nouvelle, hein, elle le sait. Voilà, elle attend d'avoir ce premier chèque. Cette échéance. C'est que depuis 2015, l'agence immobilière continue de bosser, etc. et ne s'est jamais occupée de dire ne serait-ce que tenez 100 euros ou 200. Voilà, rien du tout. On continue à vendre, on continue. Alors, même s'ils ont des difficultés et nos procès que l'on perd parce qu'on doit des sous, on n'en parle pas. Mais là, ça y est, grâce à JB, les choses sont en place. Donc, on se fait un point. Le premier versement, c'est pour quand, JB? D'ici la fin du mois. Bon, alors on s'appelle. Pas encore le montant exact, mais c'est en train d'être vu avec l'avocat. Ça va se faire rapidement. On s'appelle début juillet et JB, nous, après, on partira en vacances. Mais vous resterez ici et vous appellerez tous les jours Joël pour voir si elle a touché. Et de mon lieu de vacances, en train de me baigner, de boire un verre de rosé, etc., dans un lieu magique, j'appellerai quand même chez vous pour savoir si vous avez réglé le problème. Parfait, je pensais m'ennuyer. S'il n'est pas réglé, ça, vous ne partirez pas du tout. Voilà. Hein, Joël, je ne peux pas faire mieux. Oui, ben c'est très bien, Julien. C'est normal, ce sont des jeunes, ils sont là pour apprendre le métier. Merci ma Joël, je vous fais un gros bisou. On se retrouve dans quelques instants, il y aura encore un suivi. Alors, attendez, déjà, s'il vous plaît, mais alors le rapido à un point que vous n'imaginez même pas, point info. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Saïd et les fenêtres, c'est réglé. Siméon et les impôts, ça sera réglé dans la semaine. Reste la véranda de Stéphanie, rappelez-nous son cas. Eh bien, elle a fait poser une véranda il y a quelques années. Le problème, c'est qu'à cause de la grêle, tout s'est inondé, l'entreprise qui a fait les travaux les a mal faits. Tout ça a inondé. J'arrivais plus à faire mes mots, c'était n'importe quoi. Par la grêle. qu'on en est? Oh, on en est pas mal. Jean-Louis Roy ne répond pas, c'est le gérant de la société pour l'instant sous son portable et son fixe. Alors. C'était pour rendre hommage à tous ceux qui passent le bac français cet après-midi. Inutile de vous dire qu'on ne l'aurait pas eu aujourd'hui. Alors, avec effectivement, c'est la vérité si je mens avec notre ami Bernard, parce que c'était un sujet que vous nous avez évoqué tout à l'heure. Donc moi, je voudrais qu'on appelle la banque, figurez-vous, parce que c'est quand même la banque qui est également son assureur. D'accord. Qui offre un service qui n'est pas bon et qui devrait nous appuyer. C'est une très bonne idée après tout, puisque les banquiers décident maintenant d'être assureurs. Et pourquoi pas, c'est une bonne nouvelle. Et l'inverse, eh bien, allons jusqu'au bout et voyons s'ils peuvent sortir leur cliente de la panade. Stéphanie, nous appelons votre banque dans une seconde. Pour l'instant, une petite pause sur l'antenne de RTL. Vous écoutez le 9h30, 11h. Client Netatmo. C'est pas parce qu'on est retraité qu'on ne peut pas s'intéresser aux nouvelles technologies. Et quand elles sont utiles à ma sécurité et protègent ma maison, ben je fonce. J'ai installé facilement la caméra présence de Netatmo en remplaçant mon éclairage extérieur. Et ça marche très bien. Vous demanderez au cambrioleur qui s'est aventuré dans mon jardin. La caméra s'est allumée, il n'a pas demandé son reste. Bah, après ça, il n'a plus qu'à prendre sa retraite. Comme Marc, choisissez Netatmo. Des solutions intelligentes pour protéger votre maison. Jusqu'au 30 septembre, tentez de gagner le remboursement de votre caméra Netatmo. Conditions sur netatmo.com. Netatmo, votre maison plus intelligente. Tout simplement. Belle matinée sur RTL. Écoutons deux écureuils en pleine discussion. Tu sais qu'en ce moment, les humains économisent 40 euros sur les Total Pelé Premium qu'ils mettent dans leurs poêles à granulés. Wow. Et en plus, ils se les font livrer au plus près de leur lieu de stockage. Et tu crois que chez Total, ils livrent aussi des noisettes? Pouh, t'es vraiment trop bête, toi! Commandez vos Total Pelé Premium sur total-proxy-energie.fr. Et en ce moment, avec les prix d'été, faites 40 euros d'économie sur chaque palette. Offre réservée aux particuliers sous réserve d'accessibilité en France métropolitaine, voire conditions sur le site. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Et si on parlait de Renault Pro Plus avec Émilie, fleuriste? Quand vous dites tout inclus pour mon Kangoo, ça inclut vraiment tout? Oui, EasyLock Pro Plus est une location longue durée qui inclut un véhicule de remplacement, l'entretien et même les pneus. Et si mon Kangoo est immobilisé? Vous avez une assurance qui rembourse votre journée de travail perdue. Vous dites aussi tout équipé? Tout à fait. Nous avons près de 1200 Renault Kangoo Express Extra Air Link disponibles tout de suite. Tout inclus, tout équipé, tout de suite? Ça c'est pro. Dans la limite des stocks disponibles, voire conditions en concession ou sur Renault.fr. Allez, allez, allez, c'est la fête ce soir! On râpe les carottes, on pèle les tomates, on émince les petits oignons et on fait cuire le tout à feu doux dans un fait-tout! Chez La Paire, la cuisine est à la fête, avec la fête des prix bienfaits. Et jusqu'au 25 juin, la pose de votre cuisine est à 1 euro seulement des 3000 euros d'achat. La Paire, le savoir bien faire. Cuisine, salle de bain, menuiserie. Conditions sur lapaire.fr. Alors tu vois chérie, moi je verrais bien un nouveau parquet dans le salon, une belle cuisine équipée, puis un grand dressing bien agencé. Ça va faire beaucoup, non? Mais t'inquiète pas, en ce moment et jusqu'au 30 septembre, si on ouvre un contrat d'énergie EDF, eh ben on profite de 15% chez son partenaire Castorama. Ah d'accord. Quand on change de logement, on a besoin d'un petit coup de pouce. C'est pourquoi EDF vous accompagne et vous simplifie la vie. Appelez le 3004. Service et appel gratuit. Offre soumise à conditions, disponible sur particulier.edf.fr et valable sous réserve de souscription à la carte de fidélité Castorama, offerte la première année. Non cumulable avec toute autre remise. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Intermarché vous propose d'écouter des fans de food. Ah, au fait, chérie, t'as pensé à prendre ton maillot? Celui de l'Espagne ou celui du Brésil? Pendant l'opération fans de food chez Intermarché, tentez de gagner un voyage en Espagne, en Argentine, en Angleterre, au Brésil ou des millions d'autres cadeaux. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 15 juillet, tickets distribués tous les 25 euros d'achat. Modalité du jeu et magasin participant sur intermarché.com. Et bien sûr, food veut dire nourriture. Dites définitivement stop au calcaire en découvrant les plaisirs de l'eau adoucie Culligan. Grâce à l'adoucisseur Culligan, votre peau et vos cheveux sont doux. Votre salle de bain est impeccable. Vos appareils électroménagers sont protégés du calcaire. Et pour profiter du meilleur de l'eau, Culligan vous offre 250 euros sur votre adoucisseur jusqu'au 20 juin. Conditions sur culligan.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Bernard, vous avez reçu un message, c'est une alerte concernant le cas de Stéphanie. Stéphanie a un problème avec sa véranda, elle a la véranda fuit de partout. Stéphanie est donc obligée de mettre des seaux. Et le problème, c'est que la personne qui a fait les travaux ne souhaite pas revenir. C'est ce que nous dit Stéphanie, c'est pour ça que nous essayons absolument d'avoir toujours la partie adverse afin qu'elle nous donne sa version des faits. Alors là, j'ai le gérant qui ne souhaite pas parler à l'antenne, mais posez-lui quand même une question. Alors monsieur Roy, je comprends complètement et je respecte que vous ne vouliez pas parler sur l'antenne de JLR Diffusion. Simplement, Stéphanie attend de, que l'on vienne réparer sa véranda qui apparemment Maître Fellono est en train de prendre l'eau de tous les côtés et nous dit que vous lui auriez dit je ne vais pas faire jouer ma décennale pour ça. Oui, effectivement, donc on aimerait connaître d'abord le nom de votre compagnie d'assurance et puis que vous puissiez nous dire, rétablir la vérité si elle se trompe. Il vient de vous raccrocher. Oui, la raccrocher. Voilà. Bon. Okay. Alors, je termine juste. Je ne pense pas qu'il le fait exprès. Non, Il m'a dit hors antenne que donc il ne souhaite pas vous parler, ça c'est clair, mais surtout ce qui est important, c'est qu'il a fait enfin sa déclaration de sinistre et qu'il y a un médiateur qui va être décidé parce que le premier médiateur proposé par Stéphanie et son conjoint ne lui convenait pas. Donc il attend justement qu'un médiateur soit défini pour que le rendez-vous soit commun pour les trois. On appelle quand même la compagnie d'assurance pour essayer de voir ce qu'ils sont capables de faire pour aider un client. C'est parti, s'il vous plaît. Un petite observation sur le médiateur. Petite observation tout de suite. Une petite. Tout le monde s'éclate à le que le le. Voilà. Le conciliateur saisi par notre auditrice, c'est quand même un conciliateur près de la cour d'appel de Besançon qui siège au tribunal d'instance de Pontarlier. C'est pas un copain. Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour. Je suis bien chez Pacifica? Oui, tout à fait. Bonjour monsieur, je me présente, je suis Julien Courbet, c'est la radio RTL, nous sommes en direct. Maître Fellono vous explique le but de notre appel. Merci de nous écouter. Oui, bonjour monsieur, dans le cadre de sa multirisque habitation, vous avez une assurée qui a fait une déclaration à la suite d'une grêle. Vous avez dépêché chez elle une entreprise qui aurait mal fait les travaux et qui ne veut pas revenir ni faire de déclaration à sa responsabilité décennale. On venait vous appeler au secours parce qu'elle n'a pas choisi cette entreprise, elle ne l'a pas payée et elle est totalement démunie, elle ne sait plus à quel saint se vouer. D'accord. Alors, si vous me permettez, peut-être que vous auriez le nom de notre client. Mais on vous envoie tout ça. Alors, je vous donne tout ça hors antenne, comme ça, ça vous laisse le temps de regarder. Et vous êtes très gentil, monsieur, très professionnel. Charlotte, s'il vous plaît, vous reprenez ce sympathique monsieur de chez Pacifica. Nous essayons d'avancer avec lui. Nous allons continuer. La Val, c'est la farandole, la queue-leu-leu, des cas qui bloquent et que nous essayons de débloquer au fur et à mesure. Que nous avait dit Marie-Christine ? Eh bien, sa fille vit dans un logement avec ses 6 enfants et ça fait 5 ans qu'elle vit avec des cafards. Mais c'est terrible, il y a une vidéo sur Facebook, c'est des millions de cafards dans sa maison. Millions, peut-être pas, mais... Si, je vous assure. Non, peut-être pas millions, mais déjà milliers, c'est énorme. Ils sont cachés certainement dans les murs, etc. Ils rentrent dans les prises, ils font disjoncter les appareils, c'est un truc de dingue. Marie-Christine donc est passée, nous avions appelé, et Hervé devait faire un point avec nous. Je pense qu'il est en ligne. Hervé, vous m'entendez ? Oui, je suis actuellement en ligne. Alors, oui, évidemment, puisque je vous entends. Il se passe quelque chose d'assez particulier ce matin, mais je vais mener mon enquête. J'avais pourtant interdit que l'on boive, fume, mange des choses interdites. Je vois que quelqu'un a ramené ça dans le circuit. Laissez-moi m'en occuper. Néanmoins, Hervé, nous devions faire le point avec le bailleur social. Qu'en est-il, s'il vous plaît ? Nous avons été formidablement bien accueillis par la directrice de l'agence de partenaires Habitat. C'est Madame Siré qui a des éléments importants à vous dire. Elle est en ligne. Bonjour Madame, soyez la bienvenue. Madame Siré de l'agence de Lille, merci beaucoup de vous occuper aussi bien de Marie-Christine et de vos locataires en règle générale. Nous vous écoutons. Bonjour. Écoutez, comme convenu, donc le directeur de la société de désinsectisation des logements a pris contact avec Madame Van Camp, qui ne peut ou ne veut se rendre disponible avant le 25 juin. Alors sachez, comme je l'avais indiqué la dernière fois, que nous traitons l'ensemble de la résidence tous les ans et que pour les logements infectés, nous prévoyons deux passages. En 2015, madame a été absente aux deux passages. Il en a été de même en 2016. Alors là, je vais me tourner vers elle parce que là, je comprends que vous soyez à un moment donné vous-même un peu énervée parce que si vous ne pouvez pas traiter... Marie-Christine, est-il vrai que vous avez repoussé au 25 juin ? Est-il vrai que lorsqu'ils sont passés les deux fois, vous n'étiez pas là? Elle a repoussé au 25 juin parce que là, elle passe son bac le 22. Elle a fini sa formation le 22 juin. Elle leur a dit. Et l'autre fois, ils ont été, son fils de 17 ans, il était là, il a ouvert, ils n'ont pas voulu rentrer parce qu'ils ont dit qu'il n'était pas majeur. Oui. Ah, d'accord, voilà. Parce que vous ne pouvez pas rentrer si quelqu'un n'est pas majeur. Voilà. Non, je m'adresse à la dame de partenaires. Écoutez, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai les attachements. En 2015 et en 2016, lors des deux passages, nous n'avons pu accéder au logement. Bon, voilà. Marie-Christine, quoi qu'il arrive, à partir de maintenant, il faut que vous trouviez, vous, une solution, un copain, la famille, un voisin qui soit là pour ouvrir, sinon vous n'y arriverez pas. D'accord. Hein, parce qu'ils ne peuvent pas... C'est d'autant plus important que si nous ne traitons pas l'ensemble des logements, mais bien sûr, ça ne sert à rien. Bon, je comprends mieux. Bon, alors écoutez, en tout cas, merci. On voit la difficulté que vous avez au quotidien, hein, vous qui logez, vous et toutes les sociétés qui s'occupent de logements sociaux. C'est pas aussi simple que ça. Entre ceux qui ne veulent pas ouvrir la porte, ceux qui ne sont pas là, ceux qui ci, ceux qui là, vous devez coordonner tout ça. Et ça doit être des casse-têtes, mais juste impossible. Néanmoins, je vous demande une faveur parce que vous êtes les meilleurs pour nous sortir de là. Et ensuite, je redis à Marie-Christine. Il n'est plus question, Marie-Christine, hein, soyez sympa, qu'ils viennent et que vous n'ouvriez pas la porte. Mettez-vous d'accord avec votre voisin, avec qui vous voulez. Mais là, sinon, ils ne reviendront plus, je ne pourrai plus rien pour vous. Attendez, Julien, la Marie-Christine, c'est la maman de Peggy qui, occupe les lieux. Donc, Marie-Christine, chère maman, est-ce que vous pouvez dépanner votre fille, dont on comprend très bien que seule a élevé ses nombreux enfants, qui essaye de s'en sortir, ne puisse pas tenir les rendez-vous. On comprend tout ça, mais est-ce que vous pouvez l'aider et faire en sorte qu'un rendez-vous soit tenu en temps et en heure pour qu'il puisse coïncider avec le traitement général de l'immeuble? Sinon, une fois encore, ce serait un coup d'épée dans l'eau. Oui, moi, quand je dois y aller, j'y vais. Eh bien alors, maintenant, dorénavant, c'est vous qui allez au rendez-vous. Ils refusaient de rentrer aussi quand j'étais là. Ah bon, écoutez, vous êtes au courant de ça, madame de partenaires? Je ne rentrerai pas dans cette polémique. Les entreprises interviennent quand ils peuvent accéder au logement. Bon, ok. Allez, Marie-Christine, on fait table rase de tout. À partir de maintenant, c'est vous qui allez au rendez-vous systématiquement et cette dame vous donne des rendez-vous. Fixez-vous rendez-vous là maintenant.

nouveau Zazie et c'est sur RTL. Alors j'ai une petite note que je dois vous lire. Zazie est de retour avec un tout nouveau titre, Speed. Oui, ça, c'est sûr que c'est un bon nom. Où elle s'adresse à son cœur. C'est ce qu'on a fait sur ma note. Bon, mais écoutez, je ne sais pas s'il lui répondra. Personnellement, si j'avais à m'adresser à quelqu'un, ce ne serait pas mon cœur, hein, mais plutôt mon foie, en lui disant « Tiens le coup encore quelques années si tu peux ». Nous allons continuer, si vous le voulez bien, maintenant à revenir sur les cas qui n'ont pas été réglés. Nous allons parler de Nadia sur RTL en direct. Eh bien, Nadia nous avait appelé pour sa fille parce qu'elle a travaillé dans une grande entreprise de prêt-à-porter. Ça fait un an qu'elle attendait d'être payée de plus de 500 euros. Et il y avait deux personnes, je me rappelle, que nous avions appelées. Il y avait la banque postale qui disait « Nous ne pouvons pas vous faire un papier si vous ne nous envoyez pas un papier de l'employeur » qui disait lui-même « On ne fait pas le papier ». Non, c'est pire que ça. C'est-à-dire qu'en fait, le virement a été fait sur un compte qui était clôturé et donc la banque postale l'a renvoyé à l'emploi, à l'expéditeur, c'est-à-dire à l'employeur, et refusait de faire une attestation en bonne et due forme pour expliquer qu'elle avait retourné ce virement. Et l'employeur disait « Sans ce document de la banque, je ne ferai rien ». Donc elle était prise entre ces deux feux, c'est absolument impossible. Vous vous rendez compte, en 2018, personne n'a encaissé le chèque, donc il n'y a pas de difficulté. C'est simplement, non, nous, on n'a pas à faire de papier. Ben, s'il n'y a pas le papier, on ne vous rembourse pas. Vous avez une personne qui a bossé, qui n'est pas payée. C'était juste un petit peu scandaleux. Alors, on avait eu personne chez Primark, Polygon Riviera, à Nice. Et du côté de la Banque Postale, par contre, nous avions eu un interlocuteur qui, je crois, avait dit « Je vais regarder, Charlotte ». Oui, effectivement. Et la Banque Postale avait bien édité une nouvelle attestation dans laquelle elle certifiait que le virement n'était pas arrivé sur le compte. Mais avant même de recevoir ce document, Primark nous a rappelé l'après-midi même de l'émission pour nous dire qu'elle allait régler le problème. Bien et sûr. Effectivement, Nadia est en ligne, elle va vous le confirmer. Eh voilà, bien, c'est bravo. Super. Et je dis bravo à Primark parce que je pense qu'ils n'étaient pas au courant, la direction. C'est arrivé comme ça parce qu'on les a prévenus et c'est super. Là, j'étais un peu inquiet, mais ça prouve qu'un grand centre comme ça, ce sont des professionnels avec un service ressources humaines béton qui fait que tout le monde va être content. Oui, enfin, ça fait quand même un an qu'elle attend. Oui, c'est mais vrai ils que ne c'est savaient dur. Pas. Vous savez, c'est des dur. Fois, je ça sais bien qu'elle savent mais pas, franchement, mais enfin, c'est dur. Encore une fois, je vous le dis, quand vous envoyez des fois une lettre recommandée aux grands patrons dans les boîtes, ils sont furieux parce qu'ils descendent dans les bureaux en disant comment ça se fait que le problème de ce monsieur ne soit pas réglé depuis un an. Ils ne le savent pas parce qu'en bas, il y en a un qui fait un peu de zèle et qui dit écoutez, elle attendra, ce n'est pas ma priorité. Elle est en ligne, Nadia ? Oui, elle est là. Oui ! Bonjour, Nadia ! Bonjour, Julien ! Bon, alors contente ? Ah très contente. Eh ben je suis ravie pour vous, Nadia. Non, super, vraiment, on tenait vraiment à vous remercier, que ce soit ma fille ou moi, vous, Julien et toute l'équipe, parce que vous avez été au top, ça a été réglé. Et moi, je m'en voulais. Hein. Je voulais vraiment que ça soit réglé, parce que vous êtes à Nice, déjà qu'on vous a piqué la place en Europa League avec Bordeaux, donc ça faisait quand même beaucoup pour vous, et je tenais vraiment. Ça faisait beaucoup pour une même année. Allez, je vous fais un énorme bisou, Nadia, merci. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous joindre au 3210. On en parle. Chez Darty, la livraison et l'installation s'adaptent à tous vos besoins. Émilie, bonjour. Bonjour. Vous habitez Angers. Alors, à quelle occasion avez-vous eu recours au service de livraison Darty ? Ben, un soir, évidemment, mon frigo a rendu l'âme. Évidemment. Et comme j'ai deux jeunes enfants à la maison, j'étais un peu en mode urgence. Alors j'ai aussitôt commandé un nouveau réfrigérateur sur Darty.com et puis j'ai demandé la livraison pour le lendemain. D'accord. Et combien vous a coûté la livraison ? Bon, rien du tout, parce que le service est inclus. Ok. Et le jour de la livraison, alors comment ça s'est passé ? Très bien. Le matin, le livreur Darty m'a appelé pour me confirmer le créneau et un peu avant leur arrivée, j'ai reçu un SMS. Voilà, ça m'a permis de suivre leur approche minute par minute. Et l'installation s'est bien passée ? Ah, c'était nickel. Les livreurs ont branché mon nouveau frigo, ils m'ont expliqué son fonctionnement. Et puis à la fin, ils sont repartis avec mon ancien appareil. Ça, c'est top. Franchement, tout ça en 20 minutes, en plus avec le sourire. Super. Merci, Émilie. On en parle. Plus d'infos sur darty.com et dans les magasins Darty. Écoutez, vous sentez la différence entre un plan de travail stratifié et un quartz. L'aspect minéral, la pureté du quartz et sa résistance. Chez Mobalpa, du 7 au 30 juin, ils sont au même prix pour rendre votre cuisine unique, comme vous. Voir conditions en magasin. Mobalpa, unique, comme vous. Retrouvez les magasins Mobalpa sur mobalpa.fr. Et si on parlait de la French Touch Renault ? Prenez place à bord de Twingo. Pratique avec ses portes arrière, facile en ville avec son rayon de braquage record et fluide avec sa boîte automatique à double embrayage. Testez-la aux portes ouvertes intersidérales du 14 au 18 juin dans le réseau Renault. Renault Twingo est à partir de 7 990 €. Pour Twingo Life SE 70, sous condition de reprise d'un véhicule de plus de 12 ans et d'éligibilité à l'éco-prime Renault de 800 € et gouvernementale de 1 000 € déduite. Offre valable jusqu'au 30 juin. Voir Renault.fr. French Touch, touche française. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. La tournée de mon one-man show continue vendredi soir. Ce vendredi, je suis à Bisseuil dans la Marne. Ce vendredi et ce dimanche à Marseille au Palais Longchamp. Spectacle gratuit Marseille dimanche soir. Monsieur Berne, pourrait-on avoir, s'il vous plaît, le nom de votre invité ? Mais ils sont deux, mon cher Julien. Et j'ai non seulement...